êtes assis. 89.1. Cette semaine, au Mathieu Plancheau. Dans Television, Netflix produira sa première série en Allemagne, son premier animé et son premier western. On va savoir que Netflix a fait le tour quand ils feront leur première infopub. Dans le segment Geek CNX, une ville vote pour des GPS sous-cutanés pour les délinquants. Donc potentiellement un GPS sous-cutané pour les délinquants sous-cute et tannés. Et dans Merci Science, des chiens policiers réussissent à identifier les suspects criminels par l'odeur au Mathieu Plancheau. Et voici celui qu'on entend venir de loin parce qu'il arrive en annonçant son nom, Mathieu Plante! Bonjour et bienvenue Mathieu Plante, je suis avec Mathieu Plante, je m'appelle Mathieu Plante et oui, moi aussi, ma réaction en entendant ça, c'est... Aujourd'hui, on est l'émission de la semaine du 29 février 2016, la chronique télévisuelle Television, la chronique de sciences, technologie et médecine Merci Science et le segment geek CNX. Pour commencer l'émission, par contre, j'ai envie d'écouter pas mal de chiptune aujourd'hui. Ben, ben gros du chiptune, donc de la musique inspirée par les jeux vidéo ou encore créée à partir de consoles de jeux vidéo. Et pour commencer, j'y vais au hasard complètement. J'y vais avec une chanson de Boss Blanchy. Voici Manta Ray tout de suite au Mathieu Plante Show sur C'est fou. We'll be right back. Deux pièces de l'artiste Digit X. On a commencé par la pièce Surf City, un cover de Battletoads, et ensuite on vient d'entendre Fire. C'est un cover de Teenage Mutant Ninja Turtles 2 Cover Stage 1. Et on a débuté tout ça avec une autre pièce de Boss Blanchie. Elle s'appelle Manta Ray. Au Mathieu Plante Show, maintenant c'est Television Television. C'est Television Television, la chronique dans laquelle on parle de télé, et ça fait longtemps que j'ai envie de vous parler de télé, donc allons-y, ça fait quoi, 7 jours, habituellement, en deux émissions? Quand je dis vous, c'est la plupart d'entre vous. Donc, Monsieur Z, commençons par Monsieur Z qui passe à V. Oui, V qui se cherchait un patron depuis le départ soudain de Nathalie Brigitte Bustos en novembre dernier, s'en est trouvé un, c'est Jacques Mathieu, qui dirigeait Z chez Bell Media avant de faire partie des patrons remerciés en octobre. Voilà une offre qui ne se refusait pas pour celui qui hérite aussi des programmations de Musique Plus et de Musimax maintenant. Donc, je cite ici, « J'aime le guts de Maxime Ribillard, le président et chef de la direction, et de Luc Doyon, le VP exécutif. Ils sont dans l'action. J'arrive à un très bon moment. » A confié le nouveau directeur général contenu et développement de Groupe V Media à la publication Le Soleil. C'est donc un trio entièrement masculin qui dirigera la destinée de V et de ses chaînes spécialisées. Ce très bon moment, entre guillemets, coïncide pourtant avec une période trouble en télé que l'ancien Monsieur Z considère comme un stimulant. Je cite, le marché est en mouvance. Pour protéger les parts de marché, il faut aller vers les produits avec le plus de bulles et qui vont plaire au plus grand nombre. Et qu'entend-il par produit avec plus de bulles? Jacques Mathieu, qui dit avoir plein d'idées, se donne le temps de bien assimiler l'ADN du groupe V avant d'en dire plus. Difficile de lui faire dire quelles sont ses émissions préférées à V. Il dit qu'il y en a trop, mais il cite En mode salvaille et L'amour est dans le pré. V n'a pas peur de prendre les risques et ça me ressemble, dit-il. Le nouveau patron devra poursuivre l'œuvre de Nathalie Brigitte Bustos, qui est parvenue à donner à V son véritable élan. Celle-ci s'est depuis jointe à l'équipe de Salvaille & Co, la boîte d'Éric Salvaille, comme productrice et directrice du développement. Elle a confirmé avoir quitté le groupe V-Media d'elle-même avec le sentiment du devoir accompli, un départ qui a surpris tout le monde. Et parmi les émissions les plus regardées à V, on cite L'amour est dans le pré, Un souper presque parfait, Les recettes pompettes et L'arbitre. Ensuite, la télé de base, le Skinny Bundle, le célèbre Skinny Bundle dont on parle depuis quelques mois, depuis l'automne environ. Ben, Belle, apparemment, ne veut pas tellement que vous soyez au courant de ce que ça représente. Ah, merci Huffington Post, c'était une vidéo qui joue tout seul. Donc, les fournisseurs de câbles canadiens doivent rendre disponible le Skinny Bundle à ses abonnés pour pas plus que 25$ par mois à partir d'hier, le 1er mars. Il y en a un qui essaie le plus possible de ne pas en parler à ses clients consommateurs, selon CBC News. On parle de Bell et ses documents d'entraînement, de training obtenus par CBC qui décourage l'équipe des ventes de pousser ce nouveau bundle qu'on appelle le Starter TV Basic Cable Package à 24,95$, ce qui donne accès à ses clients à environ 20 chaînes canadiennes et quelques options à la carte. Ça dit dans le document, ne faites pas la promotion du Starter TV Package, il n'y aura pas de publicité et ce bundle ne devrait être discuté que si le client initie lui-même la conversation. C'était supposé être lancé dimanche, deux jours avant que les bundles soient requis. Et selon la porte-parole de Bell, Jacqueline Michelis, elle ne voulait pas commenter en fait sur ce cable package, sur ce bouquet câblé. Elle a dit au Huffington Post Canada par courriel, nous suivons toutes les règles du CRTC. Tu vois qu'ils font ça parce qu'ils sont obligés, hein? Donc les nouveaux bouquets télé pas chers sont maintenant disponibles après que le CRTC ait dit qu'il devait le faire à partir du 1er mars, pas plus de 25$ par mois et ça n'inclut pas les locations d'appareils. Ça doit inclure toutes les chaînes de télé canadiennes, soit locales et régionales, provinciales ou éducatives, territoriales, qui sont mandatées par les règlements du CRTC depuis une décision de l'année passée. Voilà. Ah ben si, justement, il y a un petit graphique sur la page de Huffington Post. Ils font au moins une affaire de bien de fois de temps en temps. Il y a la liste des chaînes. Donc, stations télé canadiennes, CBC, CHCH, CT, CTV, CTV2, Global, Omni1, Omni2, Yes TV et ICI Radio-Canada. Les stations de télé américaines locales, ABC, CBS, Fox, NBC et PBS. Ceux qui sont requis par la loi, CPAC en anglais, CPAC en français, RDI, TV5, The Weather Network, UniTV, TVA, APTN, AmiTV, AmiAudio, Ami Accessibilité Media Inc. Et dans les autres trucs qu'ils offrent, juste parce que c'est gratuit puis que pourquoi pas, Rogers TV, la télé communautaire, TVO, TFO, pardon, et je crois la chaîne de l'Assemblée nationale, mais leur logo de loin ne me dit pas grand-chose, mais je crois que c'est ça. Ensuite, déjà terminé pour le Québec et les États-Unis, il ne se passe pas grand-chose de notre côté. Aux États-Unis, par contre, Luke Perry est de retour au petit écran avec Riverdale. Luke Perry, l'acteur de Beverly Hills, première génération du nom, sera prochainement à l'affiche d'une nouvelle série pour la chaîne The CW. Riverdale est tiré d'une série de bandes dessinées créée en 1941 par Vic Bloom et Bob Montana. Évidemment, on parle de Archie. L'histoire suit les pas du lycéen Archie Andrews et de ses amis Betty, Veronica, Reggie et Jay... Reggie et Jughead, dans la ville fictive de Riverdale. L'adolescent est tiraillé entre son amour pour la musique et les filles et son conflit permanent avec son père. Luke Perry incarnera donc le père du personnage principal dans l'adaptation télé, Fred Andrews, un entrepreneur qui espère former son fils au métier de la construction et le force à travailler tout un été à ses côtés. Le jeune acteur néo-zélandais est KJ Apa, campera le héros Archie. Lily Reinhart interprétera son amie Betty. Madeline Patch campera la peste de l'école, la jolie rousse Cheryl Blossom. Outre son rôle de Dylan dans la série pour adolescents Beverly Hills, diffusée entre 90 et 2000, Luke Perry a également joué dans les séries Oz, Jeremiah ou encore plus récemment Body of Proof. Les deux acteurs principaux de Bones, David Boreanaz et Emily Deschanel, seront de retour pour une dernière saison. Le Deadline Hollywood nous apprend que Fox a commandé une 12e et dernière saison à la série télévisée Bones. Après ses 12 nouveaux épisodes, la série comptera un total de 246 épisodes et deviendra la série la plus longue de toute l'histoire de Fox. Les contrats qui liaient les acteurs principaux, David Boreanaz et Emily Deschanel, s'arrêteraient à la 11e saison, mais la chaîne a proposé une ultime saison aux interprètes de Seeley Booth et Bones Brennan, qui se sont ensuite empressés d'accepter. Ça, c'est des citations. La 11e saison de Bones sera présentée dès le printemps prochain sur les ondes de Fox. Ouais, les citations m'intéressent plus ou moins. Une première série maintenant pour Luc Besson. Une série américaine. Première série américaine. La chaîne de câble américain TNT a donné son feu vert à la mise en production d'un épisode pilote de Artificial Intelligence, une nouvelle série de science-fiction créée par Luc Besson. Lui et Bill Wheeler de Ghost in the Shell seront les scénaristes et producteurs exécutifs de cette série qui marque les grands débuts du français à la télé américaine. Le producteur français pourrait également réaliser le pilote de Artificial Intelligence qui serait donc une autre première. L'histoire de la série est centrée sur une entité de l'intelligence artificielle qui échappe à son confinement en laboratoire et la quête méthodique pour mener à bien de mystérieux projets est alors lancée. Les créateurs de l'intelligence artificielle rassemblent alors une équipe de spécialistes pour se rapprocher de leur objectif en tentant simultanément de contrer cette force et d'avertir le monde des dangers imminents. En France, Luc Besson s'est déjà essayé à la création de séries avec No Limit en 2012. Sarah Michelle Gellar va être de retour dans un pari cruel. Oui, de retour dans Cruel Intentions. L'actrice a fait sur Instagram une annonce qui risque d'en surprendre plus d'un. Elle reprendra son rôle dans l'adaptation sur le petit écran du film dont on parlait la semaine passée. Le film culte sera transformé en série par le réalisateur et scénariste du film original Roger Cumble, et sera diffusé sur NBC. La série se concentrera cette fois-ci sur le fils d'Annette Hargrove, joué par Reese Witherspoon, et de Sebastian Valmont, joué par Ryan Phillippe, Bash Casey, qui partira à la découverte de l'histoire de sa famille suite à la lecture du journal de son père, selon Variety. Sarah Michelle Gellar, désormais mariée au riche Pascal Barrett, se disputera le contrôle de Valmont International et sera très investi dans une école privée locale. En 1998, Reese Witherspoon, Ryan Phillippe, Selma Blair et Joshua Jackson étaient également au casting du film basé sur le roman épistolaire « Les liaisons dangereuses » de Pierre Choderlos de Laclos. Si Sarah Michelle Gellar sera un personnage récurrent de la série, Reese Witherspoon, dont le personnage sera toujours en vie, ne reprendra pas son rôle. Un casting a été lancé pour lui succéder et justement, retrouvé par la suite... l'actrice Kate Levering qui va interpréter Annette Hargrove, le rôle joué à l'origine par Reese Witherspoon dans la série Paris Cruel, actuellement en préparation chez NBC, discrète depuis l'arrêt en 2014 de la série Drop Dead Diva. Ça, c'était Diva de l'au-delà. L'actrice américaine de 37 ans va donc effectuer son retour au petit écran. La Chine censure maintenant, on va sur le web, une web-série romantique gay. Une populaire web-série romantique chinoise racontant les amours de plusieurs adolescents gays a été retirée par les censeurs des principales plateformes Internet, a rapporté un média officiel, tandis que les fans du feuilleton laissaient exploser leur frustration sur les réseaux sociaux. Addiction, une série de 15 épisodes centrée sur la relation amoureuse compliquée de deux jeunes garçons, ne pouvait plus être regardée sur plusieurs plateformes Internet et applications de téléphone intelligent, a constaté l'agence France-Presse. La diffusion avait débuté fin janvier et 12 épisodes avaient déjà été mis en ligne quand l'ensemble de la série a été soudainement banni des principaux sites de vidéos en streaming, indiquait le quotidien Global Times. Pékin a dépénalisé l'homosexualité en 1997, mais les gays et lesbiennes chinois font encore l'objet d'une forte pression familiale et sociale. Sur un Internet très étroitement encadré, les censeurs suppriment sans état d'âme tout contenu jugé immoral et les contenus gays sont souvent victimes de leurs ciseaux. L'an dernier, les mouvements documentaires du réalisateur Fan Popo, Mama Rainbow, où des mères chinoises racontaient leur réaction face au coming out de leur enfant, avaient aussi été évincés des plateformes. L'administration d'État de la presse, de la publication, de la radio, du cinéma et de la télé, le CEPF, n'a pas communiqué au sujet de Addiction, mais pour les internautes, la série a évidemment été visée en raison de son thème, une bluette homosexuelle et de dialogues très explicites. Le reste des détails sur assemblagerequis.com. Marvel's Iron Fist a trouvé son héros. Marvel's Iron Fist. La nouvelle série de super-héros de Netflix a choisi son acteur principal. Le Britannique Finn Jones incarnera Daniel Rand, alias Iron Fist. Le scénario met en scène le destin de Danny, un jeune New-Yorkais branché, mais solitaire, qui cache un lourd secret. Il a en fait vécu les 10 premières années de sa vie au cœur de l'Himalaya, aux côtés de maître des arts martiaux. Son retour à la civilisation n'a pour but réel que de retrouver l'assassin de ses parents pour se venger, le riche entrepreneur Ward Meacham. Finn Jones est connu du grand public pour son rôle ambivalent de Sir Loras Tyrell, frère de Natalie Dormer, alias Marjorie, dans la série Trône de fer, Game of Thrones. Il a également joué dans l'adaptation cinématographique du conte La Belle au bois dormant. Il s'agit de la quatrième collaboration entre Marvel et Netflix. On connaît déjà Daredevil, Jessica Jones et prochainement Luke Cage. Les trois héros et Iron Fist se retrouveront d'ailleurs dans une mini-série intitulée The Defenders. La réalisatrice de 50 nuances de gris travaillera sur Gypsy. Oui, Sam Taylor Johnson travaillera sur les deux premiers épisodes de Gypsy, un thriller psychologique signé Netflix. Créée par Lisa Rudin, la série est centrée sur Jean Holloway, une thérapeute qui développe des relations dangereuses et intimes avec ses patients. La sortie de Gypsy sur plateforme de visionnement en ligne est prévue courant 2007. Et 50 nuances de gris, le dernier projet de Sam Taylor Johnson, a rapporté plus de 570 millions de dollars US au box-office dans le monde entier. C'est la troisième série de Universal Television pour Netflix après Master of None et Unbreakable Kimmy Schmidt. Toujours chez Netflix, on va produire la première série télé en Allemagne. Le groupe américain de vidéos en ligne Netflix a annoncé qu'il allait produire pour 2017 sa première série télévisée originale en Allemagne. Sous le nom de Dark, cette série est une saga familiale racontant les secrets de quatre familles dans une petite ville allemande typique dont la vie tranquille vole en éclats après la disparition mystérieuse de deux enfants. La série qui doit commencer à être tournée cette année sera réalisée par le Suisse Baran Bohodar, dont le dernier film Who Am I, Aucun système n'est sûr, est sorti sur les écrans en 2014. L'annonce de Netflix intervient quelques semaines après celle par Amazon de la diffusion en 2017 aussi de sa première série produite en Allemagne, un thriller baptisé Wanted, réalisé par l'acteur allemand Matthias Schweighofer. Rassemblant plus de 75 millions d'utilisateurs dans le monde, Netflix, lancé à l'automne 2014 en Allemagne, en même temps que dans plusieurs pays européens, dépense beaucoup pour des contenus télé exclusifs ou originaux depuis House of Cards en 2013. Parlons justement de House of Cards. Frank Underwood a son portrait officiel. Un beau cas de fiction qui rejoint la réalité, nous dit la presse. Le président Frank Underwood de la populaire série House of Cards, qui revient le 4 mars après-demain sur Netflix pour une quatrième saison, a maintenant son portrait officiel à la National Portrait Gallery de Washington. Ainsi, la toile du président fictif incarné par Kevin Spacey est installée aux côtés de portraits de présidents réels. L'œuvre est signée par l'artiste britannique Jonathan Yeo, qui explique avoir voulu recréer le caractère formel de ce genre de portrait tout en ajoutant un style pixelisé qui rappelle l'origine télévisuelle du personnage. Netflix, toujours et encore et toujours, produira maintenant une série animée originale. La nouvelle série animée de Netflix, Perfect Bones, sera la première série originale du service de streaming à être diffusée dans 190 pays simultanément, la société a annoncé récemment. La série en 12 parties sera produite par le studio d'animation Production IG, réalisée par Kazuto Nakazawa, qui a supervisé la séquence animée pour Kill Bill Volume 1 de Quentin Tarantino. Perfect Bones se déroule dans un futur où les scientifiques tentent de créer l'humain parfait dans l'espoir de maintenir la paix dans l'univers. Ayant presque atteint leur objectif avec la création de plusieurs enfants, les chercheurs envoient leurs nouveaux humains en formation. Malheureusement, les jeunes sont enlevés par une organisation maléfique qui veut utiliser leur pouvoir pour imposer son propre concept du nouvel ordre mondial. Le PDG de Netflix, Reed Hastings, a laissé entendre l'année dernière qu'il a l'intention d'investir davantage dans des formats d'émissions diversifiés, incluant les animés. Je cite, « À une époque où Internet ne connaît pas de limites, nous sommes fiers d'offrir un animé original de haute qualité pour les fans partout dans le monde à la même heure, peu importe où ils vivent, que ce soit le Japon, la France, le Mexique, les États-Unis et au-delà. » C'est en effet un excellent slogan. Pour vrai, le fait qu'il n'y a pas de code d'écoute sur Netflix en tant que tel, Netflix, bon, t'as un nombre d'abonnés, mais t'as pas un nombre de code d'écoute dans le sens qu'une série qui a beaucoup moins de code d'écoute et une série qui a beaucoup plus de code d'écoute, ça vaut la même chose parce que c'est des raisons pour les gens d'acheter Netflix. Donc, ils n'ont pas à se soucier de individuellement chaque épisode ou chaque tranche de 15 minutes est mieux cotée, puis là, faut faire des changements parce que ce 15 minutes-là, t'aimes moins regarder. C'est pas comme de la télé traditionnelle et c'est tellement mieux comme ça. Netflix a acheté les droits de diffusion exclusifs pour diffuser des animés du Japon dans le passé, notamment Knights of Sidonia, Seven Deadly Sins et Glitter Force, mais Perfect Bones sera le premier animé original de Netflix. Toujours chez Netflix, hein, on reste beaucoup avec eux, qui se lance dans le Western maintenant avec Soderbergh. Netflix se lance dans le Western avec Steven Soderbergh et la plateforme de vidéo à la demande lancera prochainement une nouvelle série produite par le réalisateur de L'Inconnu de Las Vegas, Ocean's Eleven. La série intitulée God Bless prendra place dans une petite ville minière du Far West des années 1880. Le scénariste de Wolverine et de Rapport Minoritaire, Scott Frank, est actuellement en train d'en écrire le script. Il sera également derrière la caméra de cette nouvelle série Netflix. Steven Soderbergh s'intéresse à l'univers des séries télévisées depuis 2013. Il a notamment produit et tourné l'excellente série The Nick avec Clive Owen dans le rôle principal. Le tournage de God Bless doit démarrer prochainement à Santa Fe au Nouveau-Mexique. Aucune indication de date de sortie ni de distribution n'ont pour l'instant été dévoilée. Voilà, c'est tout pour Télévision. Il nous reste les codes d'écoute. Allons-y avec la semaine du 8 au 14 février 2016. Commençons par le Québec avec en rafale les positions 15 à 6. Dans ma tête, la poule aux œufs d'or, les enfants de la télé, la voix, mémoire vive, tout le monde en parle, accès illimité, au secours de Béatrice et LOL. En 5e, Yamaska. En 4e, les pays d'en haut. En 3e, les beaux malaises. En 2e, Unité 9. Et en première, avec 2 622 000. On parle de, bien sûr, la voix. Du côté du Canada anglais, 15 à 6, The Blacklist, Arrow, The Amazing Race, Cold Black, Hawaii 5-0, Blue Bloods, The Flash, Castle, Lucifer et CTV Evening News. En 5e, NCIS New Orleans, en 4e, Criminal Minds, en 3e, NCIS, en 2e, The X-Files, en première, c'est The Big Bang Theory avec 4 275 000 téléspectateurs. Voilà. On retourne en chiptune pour un bon petit bloc que j'ai envie d'entendre qui commence par Nicolas. Juste Nicolas avec un K. Voici Cincio Patience. PS, le Mathieu Plante Show sur ses... C'est fou. 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. The reason why you cry. C'était Chunter avec Slowly Joining, ensuite The Reason You Cry, ensuite You Make the Sound I Can't Ignore, ensuite To Let Me Know That You're Alive, ensuite d'autres choses, mais c'est pas écrit sur la page. C'est les cinq dernières pièces de Organized by Sound, un medley de différentes idées, différents instruments, entre autres les SID, Emulé, VST, Saint, Diflemask, FM, Sample, Playing, Schism, Tracker, Renoise, Guitar Playing, je connais rien de tout ça, mais tout plein de techniques utilisées par Chunter, voilà. Maintenant, avant ça, il y avait une autre pièce avant la pause, c'était City of Patience par Nicolas. Voilà, maintenant qu'on a fait le ménage de ce qu'il a joué en musique, voici Merci Science. Merci Science, la chronique dans laquelle on remercie la science d'exister. Commençons par votre cerveau. Est-ce que ça vaut plus la peine d'avoir un gros ou un petit cerveau? S'il y a des millions d'années, le fait d'avoir un gros cerveau pouvait conférer un avantage évolutif. Aujourd'hui, c'est la tendance inverse qui est observée. Les mammifères à gros cerveau sont plus souvent menacés d'extinction, une tendance qui concernerait surtout les petits mammifères. Longtemps, la taille du cerveau apparaissait comme un avantage évolutif car elle était associée à de meilleures capacités cognitives et donc une faculté à s'adapter à des conditions difficiles en faisant travailler ses neurones. Mais une nouvelle recherche d'un chercheur de Stanford suggère que les mammifères ayant de gros cerveaux ont plus de risques de disparaître. Dans cette étude parue dans Proceedings of the Royal Society B, Eric Abelson a calculé la taille relative du cerveau chez des centaines de mammifères actuels en comparant la taille du cerveau à celle de l'animal. Il a ensuite regardé dans la liste de l'UICN si ces mammifères étaient en danger. Il a alors trouvé que ceux qui avaient une taille relative de leur cerveau plus élevée avaient plus de risques d'être menacés d'extinction. La situation était rencontrée par le mammifère de petite taille. Le rapport bénéfice-coût n'était pas le même chez les petits et les grands mammifères. Cette découverte est tout de même surprenante. La recherche a souvent montré qu'un cerveau plus grand permettait un avantage cognitif et donc une capacité à trouver des solutions dans un nouvel environnement. Mais il y a un prix à payer pour cet avantage. Le tissu nerveux est très coûteux en énergie. Les animaux doivent donc manger plus pour l'alimenter ou passer moins de calories dans d'autres tâches qui peut-être seraient plus utiles à leur survie. Allez voir le reste de l'article sur assemblagerequis.com. En Australie maintenant, le neurochirurgien Ralph Mobbs a réussi à implanter deux vertèbres fabriquées en titane à partir de procédés d'impression 3D, une première mondiale qui a permis de soigner un patient atteint de chordome. On parlait récemment des premiers organes imprimés, mais avant qu'ils soient implantés, la médecine utilise déjà des os imprimés. Pourtant, aucun médecin n'avait encore réussi à implanter sur un patient des vertèbres cervicales, une zone délicate de l'anatomie humaine. C'est l'audacieux chirurgien Ralph Mobbs à l'hôpital Prince of Wales de Sydney qui a opté pour cette solution futuriste sur son patient. Ce dernier était atteint d'une tumeur cancéreuse rare au niveau des cervicales, le chordome. Brièvement, cette tumeur aurait pu grossir au niveau de ses cervicales jusqu'à comprimer son cerveau, pouvant provoquer ainsi une tétraplégie. La solution chirurgicale est donc une extraction délicate des vertèbres sur lesquelles se trouvent les cellules cancéreuses. C'est là qu'intervient l'imprimante 3D à deux étapes du processus médical. Après de nombreuses radios et analyses de l'anatomie du patient avec le laboratoire Anatomics, Ralph Mobbs a pu simuler les os de son patient et les imprimer. Avec l'objectif de ne pas seulement utiliser du titane dans la restauration chirurgicale, il a pu modeler des vertèbres. Pour parvenir à cette opération avec précision, le médecin a d'abord simulé l'opération de nombreuses fois grâce à des modèles imprimés de l'anatomie du patient jusqu'à trouver les gestes parfaits. Enfin, après une opération de plus de 15 heures, le patient s'est réveillé, une tumeur en moins et des vertèbres en plastique en plus. Rassurez-vous, les matières utilisées sont extrêmement durables. Le patient se remet progressivement de l'opération aussi bien que si elle s'était déroulée sans impression 3D, à la différence que ce dernier ne rencontrera pas de problème de mouvement du cou. Ces vertèbres ont été reproduites au millimètre près pour répliquer le comportement de ses anciens os. Chaque os et organe reproduit par l'impression 3D constitue en soi une solution pour les maladies et handicaps. Le défi de ces prochaines années se situe donc dans cette compétition médicale pour répliquer chaque partie de l'anatomie et les rendre viables, posant de fait des questions éthiques de premier ordre. Entre l'impression 3D et la médecine bionique, la frontière est mince. Le temps et la réflexion des médecins seront nécessaires pour déterminer le rôle futur des imprimantes dans la médecine. La fiction s'en est déjà emparée. Il y a un récent épisode de la série télévisée Grey's Anatomy qui montrait la reconstruction de la cage thoracique d'une adolescente avec cette même technique d'impression 3D. Des chiens policiers réussissent à identifier les suspects par l'odeur qu'ils laissent sur les lieux du crime. En France, des chiens entraînés à reconnaître des odeurs humaines ont permis de résoudre 162 affaires judiciaires depuis 2003. Pourtant, plusieurs services de police à travers le monde, y compris au Québec, négligent d'avoir recours au puissant odorat des chiens dans leurs enquêtes, voire à faire valoir les éléments de preuve qu'ils peuvent fournir dans le procès, nous dit Le Devoir. Une étude scientifique menée au Centre de recherche en neurosciences de Lyon démontre que le flair des clébards est infaillible et que leur contribution est tout à fait fiable dans la recherche de coupables. L'odorologie est utilisée depuis 2003 en France pour confirmer la présence d'un individu sur une scène de crime. Cette méthode d'analyse des odeurs humaines repose sur le fait que chaque humain possède une odeur qui lui est propre. Cette odeur est formée d'une combinaison de composés volatiles produits par la peau dans laquelle la proportion de chaque molécule diffère d'une personne à l'autre. Certains composés sont même uniques à chaque individu. Cette identité olfactive forme un noyau autour duquel gravitent d'autres odeurs associées au type de consommation de l'individu, par exemple les médicaments qu'il prend, les crèmes et autres cosmétiques qu'il utilise, et le fait qu'il soit fumeur ou non, selon la neuroscientifique Barbara Ferry. Nous avons montré que les chiens peuvent reconnaître le noyau d'une odeur en se fichant totalement de tout ce qui est extérieur. Si la personne change son mode de vie et ses habitudes, le chien continuera à le reconnaître. D'autres études ont indiqué que des chiens bien entraînés pouvaient même faire la différence entre l'odeur de deux jumeaux homozygotes qui vivent ensemble, qui s'habillent de la même façon, qui mettent les mêmes cosmétiques, qui ont le même hygiène de vie. Ces jumeaux ont non seulement des empreintes digitales qui leur est propre, mais ils ont aussi une identité olfactive propre. Ces performances intéressent le service de police de la ville de Montréal qui ne fait pas appel à des chiens renifleurs dans les enquêtes qu'ils mènent. Quant à l'Agence des services frontaliers du Canada, elle a bien recours à des chiens, mais pour détecter les drogues prohibées, les armes à feu, les devises et les produits alimentaires, végétaux et animaux. Un individu qui entre quelque part laissera toujours une trace olfactive sur son passage, sur les objets lorsqu'il manipulera, sur les vêtements que son corps touchera, etc. Ce sont des techniciens de la police scientifique en combinaison stérile et munis de masques qui procèdent au prélèvement des traces olfactives à l'aide de coton absorbant qu'ils déposent dans des bocaux en verre stériles qui sont ensuite scellés. Et comme les odeurs sont volatiles, on préconise de les prélever dans les 24 heures, voire 36 heures qui suivent l'infraction. Vous pouvez aller lire le reste de l'article, c'est très intéressant, mais à peu près le triple de ce que je viens de lire sur assemblagerequis.com. Pour la station spatiale ou pour vivre sur une autre planète, les structures gonflables sont devenues une alternative crédible aux structures rigides. Moins volumineuses et bien plus légères, elles sont moins coûteuses à lancer. Reste à en maîtriser la fabrication et l'utilisation. Ce qui est en cours, comme le montre ce prototype de sas de sortie pour l'ISS réalisé par Thales Alenia Space, présenté en petite vidéo sur assemblagerequis.com. Depuis quelques temps, les projets spatiaux de structures gonflables s'additionnent, mais ont bien du mal à passer de l'étude papier à la phase de développement. Persévérante, la société Bigelow Aerospace y est parvenue. Après le lancement de deux prototypes dans l'espace, elle a finalement obtenu de la NASA le financement nécessaire pour amarrer la Station Spatiale Internationale, le démonstrateur de modules gonflables BEAM pour Bigelow Expandable Activity Module. Il sera lancé à bord d'une capsule Dragon de SpaceX lors de la prochaine mission de ravitaillement du complexe orbital dont le lancement est prévu dans quelques semaines. L'intérêt pour cette technologie se manifeste aussi dans les bureaux d'études de Thales Alenia Space. La société européenne a récemment présenté un concept de structure gonflable télécommandée destinée à récupérer des échantillons extraterrestres ou des débris spatiaux et elle travaille sur le projet Stratobus, une sorte de plateforme stratosphérique autonome à mi-chemin entre les satellites et les drones. L'entreprise a également réalisé un prototype d'un sas gonflable qui pourrait être utilisé en lieu et place de celui de l'ISS, dont il reprend les dimensions et offre un volume intérieur comparable. Seulement que la porte de sortie dans l'espace. Thales Alenia Space, qui fabrique le module de fret du cargo Cygnus d'Orbital ATK, prévoit d'adapter à son prototype l'écoutille d'entrée du cargo. Cependant, la difficulté à trouver un financement rend peu probable un prochain test en vol de ce prototype. Le principal intérêt de cette étude est ailleurs. Il démontre qu'il est possible de convertir une structure en dur en une solution gonflable de façon à réaliser un gain de place de plus de 50% lorsqu'elle est pliée. Ce sas est fonctionnel, l'intérieur est étanche et tapissé de multitudes d'ampoules et de capteurs de pression, de température et d'humidité, cousus à même le revêtement. Quant à la structure métallique interne constituée de cadres et de longerons pliables, elle a été conçue pour une facilité de déploiement et de repli. Le tout est protégé des micro-météorites et des débris spatiaux par un matériau réalisé en Kevlar et en fibre céramique. Et finalement, les physiciens semblent parfois se poser de drôles de questions, mais la réponse à celle-ci, combien de trous faut-il pour qu'un cube en bois s'effondre, pourrait apporter un éclairage sur le phénomène de percolation qui se produit lorsqu'un fluide coule à travers un milieu plus ou moins perméable. Leur découverte pourrait aussi bien aider à mieux comprendre le phénomène de métastase qu'à mieux maîtriser l'informatique distribuée. Percer des trous au hasard dans un cube de bois et celui-ci finira par se briser en morceaux, c'est une évidence. Hein? Pour eux, en tout cas. Pourtant, cette évidence est gouvernée par des lois physiques qui, elles, sont loin d'être triviales. Grâce à quelques expérimentations et à autant de puissantes simulations numériques, une équipe internationale de chercheurs, Suisse, Royaume-Uni, Brésil, États-Unis, Chine, Portugal et Allemagne, propose un éclairage nouveau sur le processus dit de percolation qui conduit inévitablement à la rupture de la structure de bois. Leurs travaux sont expliqués sur le site phys.org. Le phénomène de percolation, tous ceux qui ont déjà préparé un café le connaissent. Il s'agit en effet du phénomène grâce auquel l'eau se ferait un chemin au milieu des minuscules grains de café. Pour les physiciens, il s'agit plus précisément d'un processus critique car ses propriétés peuvent changer brusquement en réponse à une variation même infime des conditions extérieures au cours duquel un système passe d'un état à un autre. Les modèles de la percolation s'intéressent donc à la façon dont une information peut être transmise de proche en proche ou non à travers des milieux chaotiques. Pour revenir au café, donc ce modèle compliqué décrit simplement la façon dont l'eau trouve son chemin au milieu des grains de café. Pour mener à bien leur étude, les chercheurs ont utilisé un cube de bois de seulement 6 cm d'arête. Ils ont ensuite virtuellement découpé chacune de ses faces en grilles de 36 cellules de 1 cm carré de surface commune. Enfin, ils ont percé dans ce cube de manière aléatoire des trous circulaires d'un diamètre de 1 cm, et ce jusqu'à ce que le cube s'effondre. Les expériences ont été menées sur de véritables cubes de bois et grâce à la simulation numérique. Résultat, 13 trous percés selon chacune des trois directions de l'espace, soit 39 trous au total suffisent à faire s'effondrer le cube. Si le chiffre brut peut varier, la densité de trous nécessaire à provoquer l'effondrement reste semblable, quelle que soit la taille de la grille. Pour les scientifiques, le plus important est de réussir à comprendre le processus qui conduit le cube à atteindre son point de rupture. Ils ont ainsi constaté que lorsque le nombre de trous percés approche le nombre de trous critiques, le cube commence à présenter des propriétés de fragmentation critique. De manière tout à fait surprenante, les propriétés statistiques qu'ils ont pu observer diffèrent de celles prédites il y a 30 ans sur la base de la théorie classique de la percolation. À l'époque, cependant, les technologies de simulation n'étaient pas aussi perfectionnées qu'aujourd'hui. Le modèle classique voudrait que le percement aléatoire de trous conduise à un comportement de percolation lui aussi aléatoire. Or, cette nouvelle étude révèle que le comportement du cube n'a plus rien d'aléatoire lorsque celui-ci approche de son point de rupture. Selon les chercheurs, le cube passe alors par différentes phases de transition graduelle, accompagnées d'un riche éventail de phénomènes critiques, avant d'atteindre finalement son point de rupture. Transposé au monde de la percolation de liquide, ce résultat signifie que les propriétés de transport de liquide évoluent de façon prévisible au fur et à mesure que le filtre qu'il traverse approche de son point critique. Ce résultat pourrait permettre aux chercheurs de mieux appréhender le fonctionnement des réseaux, que l'on parle de réseaux sociaux ou de réseaux de calcul distribués dans lesquels plusieurs ordinateurs communiquent entre eux pour résoudre des problèmes. Il pourrait également les aider à mieux comprendre le processus de dégradation par les enzymes du gel qui entourent nos organes et nos tissus. Cette matrice extracellulaire est en effet souvent modélisée sous la forme d'un cube que l'activité enzymatique va attaquer de façon aléatoire. C'est ce processus qui permet notamment aux cellules tumorales de se déplacer d'un organe à l'autre. Comprendre comment le gel est dégradé pourrait donc aider à mieux appréhender le phénomène de métastase. Encore une fois, un autre merci science qui est fascinant, ma foi. Les liens sont sur assemblagerequis.com. Avant de passer au segment Geek CNX, on retrouve notre fameux chiptune de la musique créée à partir de consoles de jeux vidéo ou encore inspirée par les jeux vidéo. Pour l'instant, voici Death from Billy avec Emerald Lagoon. Au massif plan chaud, c'est fou! We'll be right back.

Le générique de Super Mario 3D World. Oui, c'est la pièce de secours pour cette semaine parce que les trois autres ont planté en plein milieu. Donc, avant ça, on a entendu des extraits de Kavinsky 1986 par Atom Smash. Avant ça, Fish Fingers and Custard par Bitpusher 2600. On a débuté avec Emerald Lagoon par Dead from a Billy. Les trois ont arrêté en plein milieu parce que c'est de même que ça se passe aujourd'hui. Belle journée. Maintenant, ben, c'est le moment du segment Geek CDX. Et évidemment, avec les problèmes de chargement d'MP3, je vais pas voir mes liens, donc attention, le fond va tellement laguer que ça va être incroyable, puis après ça, on va pouvoir commencer en parlant de nouvelles technologiques. D'habitude, on commence par les nouvelles qui ont changé le monde, ou qui vont du moins changer le monde un jour, peut-être, donc les nouvelles du futur. Et commençons avec un joli petit robot de livraison autonome. Alors qu'Amazon et Google développent des services de livraison aérienne par drone qui en effraient certains, une jeune pousse présente une alternative terrestre. Les livreurs qui déposent directement un avis de passage dans votre boîte aux lettres alors que vous les avez attendus à domicile toute la journée vous vexent, il se pourrait que bientôt ils ne sévissent plus et soient remplacés par des robots. Certains des fondateurs de Skype veulent faire dans le secteur de la livraison ce qu'ils ont fait dans celui de la téléphonie. Ils ont ainsi fondé une société modestement dénommée Starship, comme un vaisseau spatial qui développe un véhicule de livraison autonome. L'engin a certes un dessin futuriste, mais ce n'est pas un vaisseau spatial pour autant. C'est un robot à 6 roues, bardé de caméras, pouvant transporter une charge de 20 kg dans son coffre. Au village de l'innovation du Mobile World Congress, c'est un humain qui le pilotait au moyen d'une manette de jeu. À ce stade, il sait seulement s'arrêter automatiquement s'il approche un obstacle. Mais à terme, ces robots ont vocation à assurer le dernier kilomètre. Ils se rendraient dans un centre de tri local jusqu'au pas de porte du destinataire en empruntant les trottoirs, ceci en évitant les piétons et les obstacles. Ils le feraient naturellement à la demande quand le destinataire le souhaite et non pas sur une plage horaire étendue. Ils pourraient également livrer une pizza ou tout autre produit en se mettant au service d'un commerce de proximité. Le robot Starship, qui peut parcourir 5 km à 5 km/h sur une charge, sera testé sur 30 000 km au Royaume-Uni et aux États-Unis à partir du mois d'avril et pour une durée de 6 mois. On ne sait pas encore quand il pourrait commencer à exercer son métier, mais j'ai bien hâte. Quelle belle idée. Justement, tiens, là, on a remplacé des humains par des robots, mais Mercedes remplace des robots par des humains. Les hypothèses selon lesquelles les systèmes robotisés remplaceront progressivement l'homme ne sont pas toutes avérées. En Allemagne, Mercedes-Benz remplace des robots par des personnes. En Allemagne, le constructeur automobile Mercedes-Benz remplace sur certaines chaînes de production des robots par des travailleurs qualifiés. Il s'agit principalement des usines chargées du montage des luxueuses classe S. Face à la demande, la firme a été sommée de revoir en partie son processus d'automatisation. Interrogée par Bloomberg, la marque allemande justifie sa position par le fait que les robots ne sont pas en mesure de prendre en compte le degré d'individualisation de certains véhicules ou de gérer les multiples variantes que nous possédons dans notre catalogue. Le groupe établit un calcul simple entre le coût d'une machine, mais également sa capacité d'adaptation, terrain sur lequel l'homme possède de sérieux atouts. Cet épisode sonne comme un écho à une étude publiée l'an dernier par Deloitte. Le cabinet avait compilé des données sur 140 ans en Angleterre ainsi qu'au pays de Galles. En se basant sur les recensements de travailleurs notamment, le bilan était alors clair, la technologie a créé plus d'emplois qu'elle n'en a détruit. Certaines nouvelles professions sont ainsi apparues. Des métiers ont à présent totalement disparu après l'arrivée des technologies chez les professionnels ou dans l'ensemble des foyers. À l'inverse, d'autres secteurs se sont largement développés du fait de l'apport de la robotisation ou plus généralement des nouvelles technologies. Dans des domaines tels que la médecine, l'éducation ou les services destinés aux professionnels, l'emploi a connu une forte augmentation. Airbus imagine des bancs pour remplacer les sièges de ses avions. Remplacer les sièges, donc des avions, par des sortes de bancs pour moduler l'espace en fonction de la corpulence des passagers. Une idée qui a vraisemblablement traversé l'esprit d'Airbus qui vient de déposer deux brevets concernant des bancs modulables, avec en prime un compartiment de rangement à l'intérieur. Les constructeurs ainsi que les compagnies aériennes s'intéressent sans arrêt à la manière de remplir au mieux leurs avions. C'est pas un secret. Néanmoins, allier confort et taux de remplissage maximum tout en assurant une bonne rentabilité n'est pas toujours chose aisée. À travers ces réflexions, Airbus en est venu à déposer deux brevets concernant des bancs qui permettraient d'une part d'accueillir des voyageurs en fonction de leur taille et corpulence et d'autre part de stocker du contenu sous les fesses des passagers. Des idées qui peuvent sembler bonnes de prime abord, mais qui en réalité font plutôt peur question confort, dit Clubic.com. La première proposition est donc de ne plus proposer de sièges, mais des bancs capables d'accueillir entre 2 et 4 passagers. Par exemple, un passager en surpoids qui aurait de grandes difficultés à s'installer confortablement dans les sièges standards pourrait bénéficier d'un emplacement plus large pour lui en modulant les accoudoirs. Il pourrait ainsi tenir 2 personnes enveloppées, là où 3 personnes d'une corpulence plus standard pourraient tenir. Mais on peut également imaginer qu'une famille avec 2 jeunes enfants pourrait également prendre place au même endroit. L'idée est intéressante, mais on imagine cependant les dérives d'une telle proposition, nous dit Klubik, notamment au niveau des tarifs proposés par les compagnies aériennes. Les voyageurs devraient également fournir des informations précises, comme leur taille et leur poids, pour s'assurer de rentrer dans les gabarits de places proposées. On imagine également assez difficilement comment une famille de 4 personnes pourrait occuper l'espace de 3 adultes, compte tenu de la configuration des sièges. Évidemment, la proposition n'est actuellement qu'au stade de brevet, et elle dit qu'elle aboutira. Allez voir l'article complet sur assemblagerequis.com. Maintenant, dans les nouvelles de réalité virtuelle, Sony dépose un brevet pour des gants servant de manette. Dans la guerre à la réalité virtuelle, l'une des composantes parfois un peu sous-estimée, pourtant essentielle, est l'ergonomie des manettes. Alors que Valve et Oculus ont d'ores et déjà dégainé leur production, Sony semble toujours s'accrocher à son Move, qui est loin d'être l'outil le plus optimal. Dit jeuxvideo.com. Loin d'être optimal puisqu'il n'a pas été désigné pour la réalité virtuelle à la base. Désigné, j'imagine qu'il veut dire désigné. Contrairement à un nouveau concept tout juste breveté par Sony. Composé de 3 parties, cette demande de dépôt de brevet présente une paire de gants pourvus de capteurs capables de détecter les mouvements des mains du joueur. Tout comme au jeu de roche-papier-ciseaux, un simple geste... C'est drôle que dans la même journée, j'ai dit la même chose à l'assemblage requis ce matin, j'ai appris aujourd'hui même que roche-papier-ciseaux en France était pierre-feuille-ciseaux. Et là, un deuxième article me mentionne pierre-feuille-ciseaux. Dans la même journée, ça n'a aucun sens, le hasard. Donc, le fait de lever le pouce et l'index ferait apparaître un pistolet en jeu. Le pouce et l'auriculaire à un téléphone, et ainsi de suite. Le résultat est présenté dans les traditionnels schémas rudimentaires présents dans les brevets. À la manière du Move, une boule luminescente serait également présente au-dessus du dispositif pour prévenir de la possibilité d'une interaction. Autre information intéressante, il y aura au moins un bouton pressoir sur les gants qui pourrait permettre de faire avancer une personne, par exemple. Pour rappel, Sony avait déjà annoncé que l'un de ses laboratoires travaillait sur un tel produit, et ce n'est donc pas une surprise de voir un brevet de ce type arriver. La question est maintenant de savoir s'il s'agit d'un dispositif destiné à être livré de base avec le PlayStation VR, juste des manettes expérimentales ou bien un appareil qui sera vendu séparément. On va voir. On reste chez Sony qui tente de concrétiser l'intelligence artificielle du film Her. Donc Sony Xperia Ear est le nom d'une oreillette qui, associée à un assistant vocal innovant, rappelle les intelligences artificielles de films de science-fiction tels Her. Et le film Her devient réalité donc, du moins c'est ce qu'on s'imagine au premier abord. Présenté aux côtés de 3 concepts futuristes, le Sony Xperia Ear est un produit de série qui sera commercialisé cet été. C'est une sorte d'intelligence artificielle qui prend la forme d'une oreillette miniature et qui a vocation de vous assister au quotidien. L'objectif est de vous dispenser de consulter votre smartphone à longueur de journée et vous ouvrir au monde. L'intelligence de la solution Sony Xperia Ear repose sur un service en ligne bien plus que sur l'oreillette à laquelle elle est associée. Il s'agit d'un assistant vocal similaire à Siri d'Apple ou Cortana chez Microsoft, ou encore Google Now chez Google, mais qui s'en distingue par ses interventions plus spontanées, ou du moins plus automatiques et plus contextualisées. C'est la mise en œuvre de cet assistant vocal qui rappelle certains films de science-fiction et le rend futuriste. En attendant que le port d'une oreillette à longueur de journée ne soit monnaie courante, de nombreux utilisateurs préféreront sans doute l'emporter dans leur poche et la porter à l'oreille quand ils en auront besoin. Les capteurs de mouvement de l'oreillette amèneront alors l'assistant à intervenir spontanément. Au réveil, l'oreillette vous communiquerait automatiquement la météo afin que vous puissiez vous habiller en conséquence. Lors du départ, elle pourrait vous lire les détails de votre premier rendez-vous. Le cas échéant, vous pourriez alors bénéficier d'un guidage vocal piéton. Elle pourrait aussi vous prévenir que vous avez manqué un appel il y a 10 minutes. Vous pourriez lui demander de le rappeler et elle s'exécuterait. Et si vous mettiez l'oreillette à un moment non prévu, elle se mettrait automatiquement à votre écoute et vous pourriez par exemple lui demander d'envoyer un message ou de lire les dernières publications sur vos réseaux sociaux ou dans l'actualité. L'oreillette Sony Xperia Ear sera lancée dans le monde entier cet été. Aucun prix n'a encore été communiqué. Elle sera livrée avec un étui à batterie lui conférant 12 heures d'autonomie en veille, une charge directe par USB lui conférant 80 heures d'autonomie. Elle sera compatible avec n'importe quel téléphone intelligent Android. Maintenant, Flex Enable présente un prototype de bracelet à écran pliable. Des écrans pliables, on en parle depuis des années et des dizaines de concepts ont été présentés, mais aucun n'a jamais été vraiment commercialisé. La société britannique Flex Enable a montré le fruit de ses travaux lors du Mobile World Congress. Depuis une quinzaine d'années, les chercheurs de l'Université de Cambridge planchent sur les écrans pliables. L'idée est de contourner les limites inhérentes à la rigidité du silicium accueillant les pixels et les transistors formant l'écran. Flex Enable a choisi de remplacer le silicium par du plastique, une matière parfaitement malléable sur laquelle sont imprimés les composants de l'écran. Il en résulte ce bracelet conceptuel. En pratique, il faudra avoir les usages qui en découlent. Quoi qu'il en soit, la société estime que d'ici un an et demi, ce type d'écran souple commencera à se démocratiser. La société cherche actuellement des fabricants partenaires spécialisés en matériel et capables de mieux intégrer cette technologie au sein de nouveaux produits. Peut-être alors ces concepts de smartphones futuristes verront-ils le jour dans une prochaine édition du Mobile World Congress. Maintenant, se brosser les dents tel que le dentiste le recommande. C'est la promesse principale de la nouvelle Oral-B Genius, une brosse à dents électrique intelligente. Oral-B complète sa gamme de brosses à dents connectées dans de nouveaux modèles plus intelligents. La Genius offre effectivement une fonction de détection de position. Elle combine pour se faire un capteur de mouvement intégré à l'appareil une technologie de reconnaissance du visage et de la main confiée au capteur frontal d'un smartphone fixé au miroir face à soi. L'application Oral-B rend le brossage de dents ludique, représentant d'une certaine manière l'opération comme un jeu de casse-briques, dans lequel chaque brique représente l'une des 6 zones de la bouche. L'ensemble garantit ainsi qu'on se brosse bien les dents pendant 2 minutes, tout en répartissant bien le brossage et en n'exerçant pas une pression trop forte. Il y a une petite vidéo sur assemblagerequis.com qui détaille la mise en œuvre et montre le journal de bord et les autres fonctions qu'offre l'application. La gamme Oral-B va être lancée bientôt, en fait cet été. 2 modèles sont proposés, une référence 8000 avec un étui passif et quelques têtes, et une référence 9000 avec un étui actif et des têtes supplémentaires pour un petit peu plus cher. Maintenant, comment un phare connecté rend la route plus sûre en cyclisme? Alors que les villes du monde entier développent massivement la mobilité à vélo, une jeune pousse irlandaise dénommée SeaSense se présente Icon, un phare connecté pour vélo au service à la fois des cyclistes et des collectivités. La SeaSense Icon, à notre connaissance, la connaissance de Cluic.com, le premier produit de ce genre est un phare connecté bardé de capteurs, fixé à l'avant et ou à l'arrière du vélo. Il est rempli pour commencer le rôle de phare, puis pour s'éclairer et être vu. Il abrite aussi et surtout un capteur de mouvement, un accéléromètre, un thermomètre, un capteur de luminosité et à terme un capteur de pollution. Connecté via Bluetooth au smartphone du cycliste, il peut notamment ajuster sa fréquence de clignotement à l'approche d'une intersection à risque pour alerter le cycliste et le rendre plus visible des autres usagers. Il mesure ainsi et surtout toutes sortes de données environnementales et les transmet à des collectivités partenaires afin qu'elles optimisent leurs infrastructures. Le recours au crowdsourcing permet dans ce contexte de repérer des revêtements en mauvais état comme des vibrations excessives, des nids de poules ou des zones à risque, évitement et freinage répété. Le SeaSense Icon devrait être commercialisé courant 2016 à un tarif encore inconnu. Et encore une fois, une vidéo de démonstration sur assemblagerequis.com. Une ville a voté pour des GPS sous-cutanés pour les délinquants. Le conseil municipal de Williams Lake, une petite ville de l'intérieur de la Colombie-Britannique, a voté à l'unanimité en faveur de l'implantation de puces électroniques pour traquer les délinquants à haut risque une fois ceux-ci sortis de prison. Ça a l'air d'une fausse nouvelle, ça a l'air de quelque chose dont les naïfs partagent qui mieux. Mais non, c'est un article de Radio-Canada, donc je m'y fie. La motion a été adoptée à peine quelques jours après qu'un jeune de 14 ans ait été menacé par un voleur armé qui s'est emparé de son vélo dans un parc de planches à roulettes de la ville. Je cite, j'étais stupéfait. J'ai moi-même de jeunes enfants. On pense toujours que ce genre d'incident arrive ailleurs, a déclaré le conseiller municipal à l'origine de la motion. Il estime que la ville doit en faire plus pour aider la Gendarmerie royale du Canada locale à surveiller les délinquants prolifiques. L'idée est de cibler surtout les délinquants les plus dangereux et pas les mineurs. Dès que vous sortez de prison, on vous implante un GPS et on vous surveille 24 heures sur 24, 365 jours par année. On saura tout ce que vous faites, où vous allez, à la moindre activité criminelle, retour en prison, explique notre conseiller municipal. La ville ne disposant toutefois pas de la compétence pour mettre en place un programme d'implantation de GPS sous-cutané, le conseiller précise qu'il demandera au syndicat des municipalités de la Colombie-Britannique et à l'association des gouvernements locaux de faire pression sur les autorités provinciales et fédérales. Ces programmes existent déjà ailleurs dans le monde. Il y en a un à Washington, D.C. où ils surveillent 1200 personnes par GPS. Les médias locaux confirment cette information, mais précisent que les puces ne sont pas implantées sous la peau. Pour l'Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique, ce genre de programme ne respecte pas les droits constitutionnels des Canadiens, notamment en matière de vie privée. En attendant, la municipalité a adopté une autre motion qui prévoit l'installation de 32 caméras de vidéosurveillance haute définition aux quatre coins de la ville. J'espère que c'est pas vraiment rien que dans les quatre coins. Il se passe pas mal d'affaires au milieu. 6 tendances et gadgets du Congrès mondial du mobile de Barcelone maintenant. On en a parlé un petit peu tantôt. Mais il y a d'autres détails, d'autres détails. Le congrès mondial de la téléphonie mobile de Barcelone, la grand-messe du secteur qui s'achevait jeudi dernier, a été dominée cette année par la réalité virtuelle, les avancées de la future génération 5G et les objets connectés. Commençons en Corée du Sud. Le Shable LG a ouvert le bal en présentant son nouveau casque de réalité virtuelle, le 360 VR, avant que le numéro 1 mondial de la téléphonie Samsung ne présente officiellement son nouveau téléphone intelligent, le Galaxy S7, en réalité virtuelle. Vous l'avez certainement vu passer. Parmi les stades les plus visités, celui de l'opérateur sud-coréen SK Telecom, qui proposait une promenade sous-marine via la technologie de la réalité virtuelle. Samsung propose, lui, de vivre des montagnes russes virtuelles, tous deux avec beaucoup de succès auprès du public. Peu d'annonces fracassantes sur cette nouvelle génération du réseau 5G attendu pour 2020 avec des tests grandeur nature en 2018, là encore en Corée du Sud. Mais diverses démonstrations sur les stands des équipementiers et opérateurs afin de montrer certains avantages techniques de la 5G, notamment en termes de latence ou d'usage plus flexible et intelligent des ondes pour garantir un meilleur débit. Du côté de l'Europe, la Commission a expliqué vouloir mettre des opérateurs en ordre de bataille pour éviter un nouveau retard comme lors du déploiement de la 4G. Des objets toujours plus connectés, les objets donc connectés qui ont tenu une place importante dans les discussions, malgré un décollage qui tarde à se concrétiser dans l'attente de l'arrivée de la 5G, très utile dans des secteurs où la fiabilité et la rapidité de la connexion sont indispensables, comme la santé électronique ou le transport connecté. Concernant les réseaux, il manque en effet une norme unifiée pour voir demain débarquer en nombre les objets connectés tant attendus par les industriels. Ensuite, pour les hologrammes, quel fan de Star Wars n'a pas rêvé un jour de pouvoir parler avec son correspondant grâce aux hologrammes? Eh bien, plusieurs entreprises y voient en tout cas une possibilité de développer avec l'arrivée de la 5G, dont la start-up américaine Léa Inc., évidemment Léa pour l'héroïne de Star Wars, a fait sensation en présentant un système créant une image 3D semblant flotter au-dessus de l'écran. Chez SK Telecom, les hologrammes ont pris la forme d'un faisceau de lumière verte où apparaissent des formes diverses comme cœur, dauphin, gymnaste en mouvement. Pour recharger son portable sans chargeur visible, plus de fil, pas de plaque, ou poser son téléphone intelligent qui pourtant se recharge au simple contact de la table du salon. L'astuce a été développée par une start-up catalane, MiniBat, avec un système de charge qui peut être installé sous n'importe quel meuble. J'aimerais ça m'installer un MiniBat en dessous de mon meuble, ça a bien du sens. Quelle que soit sa matière et qui permet de recharger son portable en le posant simplement sur le meuble. MiniBat espère convaincre les industriels de l'ameublement, les restaurants et l'immeuble de bureau à intégrer sa technologie. Et le robot téléphone qui lit vos messages à haute voix. Il a la forme d'un petit robot humanoïde, mais il s'agit de téléphone Robo-Hon, développé par le japonais Sharp, mesure une vingtaine de centimètres et parle pour alerter de la réception d'un appel, lire à voix haute les SMS, se faire dicter ceux à envoyer ou prendre des photos en demandant de prendre la pause puis de se transformer en vidéoprojecteur afin de les visionner. Robo-Hon peut se lever et bouger les bras pour signaler quelque chose. Robo-Hon, H-O-N. C'est pour ça que je fais un Hon. L'Internet par la lumière veut révolutionner le sans-fil. On est à Barcelone avec l'agence France Presse. Pour connecter votre téléphone portable au web, cherchez une lampe. Le Li-Fi, l'Internet par la lumière, veut révolutionner les connexions sans fil avec un débit 100 fois plus rapide que le Wi-Fi, même si sa portée est limitée. La start-up française OLEDcom en fait la démonstration au Mobile World Congress. À peine placé sous une lampe de bureau, un téléphone lance une vidéo. Mis sous une autre, c'est une chanson qui s'enclenche. Cette technologie utilise les fréquences créées par scintillement d'une ampoule LED pour transmettre de l'information dans l'espace sur le principe de l'alphabet Morse. Le point fort du Li-Fi, l'abréviation de Light Fidelity, c'est le débit. La vitesse de connexion atteinte en laboratoire permet de télécharger l'équivalent de 23 DVD en une seule seconde. Dans un usage courant, le Li-Fi permettrait des débits jusqu'à 100 fois supérieurs au Wi-Fi qui lui passe par les ondes radio. Le Li-Fi a commencé à sortir en 2015 des laboratoires pour être testé en grandeur nature en France, le pays en pointe dans cette technologie, mais aussi en Belgique, en Estonie ou en Inde. Le groupe d'électronique néerlandais Philips s'y intéresse et selon la presse spécialisée, le géant informatique américain Apple pourrait l'intégrer dans son iPhone 7. Ouais, bon, une chose à la fois. Hein? Alors que les analystes tablent sur 50... D'habitude, sont en retard, Apple, fait que, tu sais, je miserais pas là-dessus. Alors que les analystes tablent sur 50 milliards d'objets connectés d'ici 2020 et que les réseaux radio ont tendance à être saturés, le Li-Fi offre une bonne alternative au Wi-Fi selon ses promoteurs. Est-ce que le Li-Fi est vraiment le Wi-Fi de demain? Allez lire l'article pour en savoir plus avec, entre autres, un entretien avec l'analyste chez PwC, Frédéric Sarra. Parlant de Wi-Fi, une équipe de l'Université de Washington, oui, DC, aux États-Unis, a développé un système de Wi-Fi passif qui consomme 10 000 fois moins d'énergie que le Wi-Fi actuel, de quoi améliorer sensiblement l'autonomie des mobiles, mais surtout celle des objets connectés en se posant comme alternative au Bluetooth. Si le Wi-Fi est désormais indispensable à l'Internet mobile, il y a un gros inconvénient, c'est qu'il consomme beaucoup d'énergie. Il est souvent recommandé de désactiver le Wi-Fi ainsi que le GPS de son smartphone ou sa tablette lorsqu'on s'en sert pas afin d'économiser la batterie. C'est aussi pour cette raison que d'autres technologies moins gourmandes telles que le Bluetooth, le Zigbee, Z-Wave, etc. sont préférées au Wi-Fi pour les montres connectées et les bracelets d'activité, les installations domotiques et les capteurs environnementaux et médicaux. Mais voilà que les chercheurs de l'Université de Washington nous promettent une petite révolution avec un Wi-Fi passif qui serait jusqu'à 10 000 fois moins énergivore que le Wi-Fi que nous utilisons présentement et jusqu'à 1 000 fois moins que du Bluetooth Low Energy ou du Zigbee. Pour concevoir leur passive Wi-Fi, les scientifiques ont remis à plat le fonctionnement du système de transmission radio qui repose sur des opérations numériques et analogiques. Au cours des 20 dernières années, la partie numérique de l'équation est devenue très efficace d'un point de vue énergétique, mais les composants analogiques consomment toujours beaucoup d'énergie. Les chercheurs ont donc séparé les deux opérations avec un module analogique branché sur le secteur qui envoie ses ondes radio à des capteurs Wi-Fi passifs spécialement conçus. Ces capteurs qui consomment entre 15 et 60 microwatts selon la bande passante absorbent les ondes analogiques et les réfléchissent sous forme de paquets Wi-Fi grâce à un commutateur numérique. Il s'agit d'un système de rétrodiffusion ambiante ou de ambient backscattering qui s'apparente au Morse. Le principe est proche du fonctionnement des puces RFID, à la différence que ces dernières nécessitent des lecteurs spécifiques et n'ont une portée que de quelques centimètres. Selon les scientifiques de l'UW, ces capteurs seront compatibles avec n'importe quel appareil électronique muni d'une puce Wi-Fi. La transmission peut atteindre un débit de 11 Mbps vers les smartphones, des routeurs ou autres équipements. L'équipe de l'Université de Washington dit avoir fait fonctionner le dispositif jusqu'à une portée de 30 mètres. Ces performances de débit et de distance correspondent à celles du Wi-Fi 802.11b. Elles seraient amplement suffisantes pour que le Wi-Fi passif puisse se substituer au Bluetooth et à d'autres protocoles sans fil pour un grand nombre d'objets communicants. On parlait des montres et des bracelets connectés, mais ça concerne également toutes les installations domotiques comme les serrures, les thermostats, ampoules intelligentes, détecteurs de fumée, etc. Ainsi que tous les capteurs que l'on englobe dans l'Internet des objets. Les chercheurs de l'UW estiment que les capteurs Wi-Fi passifs pourraient être fabriqués pour un coût inférieur à 1$. Ils ont d'ailleurs créé une entreprise, Jiva Wireless, pour commercialiser leur innovation. On précise également que le fabricant de puces de communication Qualcomm a cofinancé ces travaux, qui font l'objet d'un article « Passive Wi-Fi Bringing Low Power to Wi-Fi Transmissions » qui sera présenté lors du Usenix Symposium on Networked System Design and Implementation le mois prochain. Ça en fait-tu des longs noms, ça? On reste dans le Wi-Fi avec la maison de Barbie. Oui, la célèbre maison de rêve de Barbie qui va être un petit peu plus technologique. Hein? Jusqu'à maintenant, Barbie et sa famille vivaient dans une ère pré-Internet. Mais le fabricant de jouets Mattel ramène la poupée dans le 21e siècle. La nouvelle Hello Barbie Dream House aura un ascenseur, des lumières personnalisables, un foyer, un réfrigérateur et bien sûr la possibilité de se connecter à une application via Wi-Fi. Le but, selon The Atlantic, est de créer une maison qui reflète mieux les aspirations des temps modernes. Donc la Dream House du passé avec ses gros garde-robes et ses portes à coulisses reflétait un idéal de la classe moyenne des années 60, alors que la nouvelle Dream House, elle essaiera de refléter la maison intelligente du futur. La Hello Barbie Dream House va sortir cet automne au prix de $300 américains. Vous pouvez voir la vidéo de l'International Toy Fair sur l'article sur assemblagerequis.com. Et ça, mon petit truc cocasse qui sert absolument à rien, là, le kicker qu'on appelle en radio, c'est une sculpture de 20 pieds de haut qui a été relocalisée quand des visiteurs arrêtaient pas de foncer dedans en faisant des messages textes. C'est le text and walk, là, hein? Une grosse structure d'acier galvanisé nommée The Kiss que Madame Sophie Ryder a décidé de déplacer finalement à une autre place sur la propriété. C'est une de plusieurs sculptures installées à la cathédrale. Et puis la collection fait partie d'une des plus grandes expositions de l'artiste. À l'origine, c'était installé en plein dans un chemin. Donc, c'était une, si je l'explique, un petit peu une paire de mains, un peu comme si tu mets ton poing dans ton autre main et c'est fermé. Et les deux côté d'avant-bras, si on veut, début d'avant-bras et poignet sont à chaque côté de la route du petit trottoir et bon, les gens peuvent passer en dessous. Il y a quand même assez de place pour passer, mais c'est que les gens textaient et fonçaient dedans, donc ils ont décidé de la changer de place. Et ben. Une autre nouvelle absolument inutile, c'est après une vague de décès, Bombay qui a interdit les selfies. Hein, ayant causé de nombreux décès au cours de la dernière année, la ville de Bombay a délimité 16 zones de la ville où il est maintenant interdit de prendre des selfies. Le marché du téléphone intelligent s'est développé à une vitesse fulgurante en Inde, initiant la population à la pratique du selfie. Mais c'est aussi en Inde et particulièrement à Bombay que le nombre de décès causés par la prise de ces autoportraits, certains appellent des égoportraits, a été relevé. Selon la société d'analyse de données Priceonomics, sur les 49 morts recensées sur la planète en 2014 à la suite de selfies, 19 se sont produites à Bombay. La police est donc maintenant autorisée à donner des contraventions aux personnes s'adonnant à la pratique des selfies dans les zones décrétées à risque, comme le long des côtes, où une jeune femme s'est noyée après avoir essayé de se prendre en photo. Voilà, ça c'est des nouvelles que j'aurais sautées si on n'avait pas eu autant de temps de lousse aujourd'hui. Maintenant, allons-y avec les jeux les plus loués dans les clubs vidéo, pourquoi pas. Commençons par la 10e place, Tom Clancy's Rainbow Six Siege sur la Xbox One. Ensuite, le même jeu, absolument le même, sur la PlayStation 4. En 8e place, Call of Duty Black Ops 3. En 7e, Fire Emblem Fates Conquest sur la Nintendo 3DS. En 6e, Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 sur la Xbox One. En 5e, Call of Duty Black Ops 3 sur la PS4. En 4e, Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 sur la PS4. En 3e, Fire Emblem Fates Birthright sur la 3DS. En 2e, c'est Far Cry Primal sur la Xbox One. Et en première place, on retrouve Far Cry Primal sur la PlayStation 4. Voilà que j'ai encore la difficulté avec mes pièces chiptune, donc on va retourner dans les archives, entendre une pièce qu'on a fait jouer à un moment donné à travers l'histoire de l'émission, et allons-y un petit peu plus loin que ça, hein, s'il vous plaît. Avec, tiens, ah, pourquoi ne pas entendre une pièce de Little Jester, Mr. Nord, tout de suite au Mathieu Plante Show sur C'est Fou. 89 FM. Visitez cifou.ca. L'artiste Kuro et la pièce techno Jihad Excalibur 2097 Level 2 Theme, c'est un remake de la chanson du niveau 2 du jeu Super Nintendo Excalibur 2097, aussi connu sous le nom de Techno Jihad par Psycho Sonic. Ouf! Bref, c'est cheesy, c'est très techno années 90, mais c'est assumé, c'est ce qu'il voulait faire. Vous êtes au Mathieu Planchot et maintenant, ben, c'est le moment de C'est un fait Tech Edition. Ah, j'ai oublié qu'il fallait que je chante. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait, c'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait, c'est un fait. C'est un fait, Tegadishan, la chronique dans laquelle on retourne dans le passé pour voir ce qui s'est passé à travers l'histoire. Les dernières fois qu'on s'est parlé de ça, on avait fait les mois de janvier, décembre, novembre, bon, etc. Mais là, on est rendu au mois de février, on est rendu dans presque le présent, on vient de commencer le mois de mars, et on doit se faire en rafale le mois de février au grand complet. C'est bon, on va essayer en tout cas. C'est la chronique difficile à faire, tu sais, parce que j'y vais en temps réel avec vous. Donc, ben, peut-être pas à travers l'histoire en temps réel, c'est un peu long. Hein. Commençons par le 1er février en 1951. Les téléspectateurs ont été témoins de la première détonation en direct de bombes atomiques. C'était la station KTLA à Los Angeles qui a diffusé l'explosion d'un appareil nucléaire qu'on avait laissé tomber sur les Frenchman Flats au Nevada. En 1972, Hewlett-Packard présentait la première calculatrice scientifique qu'on pouvait tenir dans sa main, la célèbre HP35 pour $395. C'est la première calculatrice qu'on tenait dans la main qui pouvait performer des fonctions trigonométriques et logarithmiques avec une seule touche. En 1997, oui, Dave Winer a changé comment il montrait ses scripting news pour que ça montre toujours les 10 plus récents nouvelles, les 10 plus récents billets. Donc, un peu comme tous les sites du monde, les blogs fonctionnent de nos jours. C'est peut-être donc le premier blog. Ça a eu beaucoup d'influence. C'est certainement un des plus vieux blogs qui existent. Ça prédate même le terme blog qui veut dire weblog, un journal web. Le 2 février, allons-y, commençons par, je suis toujours de misère à savoir par quel commencer. En 1935, le détective Leonard Keeler, le co-inventeur du polygraphe Keeler, a essayé le détecteur de mensonges sur deux criminels suspects à Portage, Wisconsin. Les deux suspects ont été déclarés criminels, donc coupables. Absolument. En 1046, c'est des moines anglais ont écrit « No man then alive could remember so severe a winter as this was. » Aucun homme vivant à ce moment-là ne pouvait se souvenir d'un hiver aussi intense que celui-là. C'était comme un blog météorologique au début de l'ère glaciale en 1046. C'est absolument pas grand-chose à voir avec la technologie maintenant que j'y pense, mais je trouvais ça intéressant quand même. Le 3 février ensuite, c'est en 1879, Joseph Wilson Swan a fait la démonstration de la première ampoule électrique à filament incandescent utilisable. Donc la première fois que c'était pratiquement utilisable. Devant 700 personnes au Literary and Philosophical Society de Newcastle upon Tyne. Ensuite, en 2014, Facebook lançait son application Paper sur iOS aux États-Unis. Paper était comme un genre de format magazine pour voir votre contenu Facebook. On l'a jamais eu au Canada, puis on l'aura sûrement jamais. J'ai jamais vraiment entendu parler de Paper avec le temps, mais quand même. Ensuite, le 4 février, en 1890, Thomas Edison recevait un brevet pour le premier télégraphe quadruplex qui pouvait envoyer deux messages simultanément dans chaque direction. Donc, un message était un signal électrique de différentes longueurs, alors que le deuxième était un signal de polarité variable. En 1998, Noel Godin, un Belge qui aimait beaucoup envoyer des tartes, entarté des gens célèbres, a envoyé une tarte dans la face, dans le visage de Bill Gates. Gates ne l'a pas poursuivi. En 2004, Mark Zuckerberg et quelques autres gens chez Harvard lançaient The Facebook. Ouais, donc les étudiants de Harvard pouvaient aller chercher, stalker les autres. Éventuellement, ils ont amené ça au niveau mondial, ils ont enlevé le « de », c'est devenu Facebook. En 2014, Microsoft a nommé Satya Nadella, qui avait un employé depuis 22 ans chez Microsoft, et non pas un employé de 22 ans. Il l'a nommé comme un nouveau Chief Executive Officer pour remplacer Steve Ballmer. Bill Gates s'est aussi retiré en tant que Chairman of the Board. En même temps, il a été remplacé par John Thompson. Le 5 février, en 1850, le premier brevet pour une machine à calculer avec des touches a été donné à Dubois des Parmalee de New Paltz à New York. C'était en 1850. Ensuite de ça, 1944, au Bletchley Park de la Grande-Bretagne, le Colossus MK1 a attaqué avec son premier message encrypté de façon qu'on appelle Lawrence Encrypted. Et donc, ça avait été craqué, mais Enigma, le système Enigma avait été craqué, mais Lawrence avait trouvé une façon d'encoder ça plus, de façon plus intense, pour utiliser ça dans les communications entre Hitler et ses généraux pendant la Deuxième Guerre mondiale, cette façon d'encrypter des messages. En 1999, Victoria's Secret et leur online fashion show est devenu la première diffusion web majeure. Ça a attiré un public de 1,5 million de téléspectateurs partout dans le monde. Évidemment, des filles en petite tenue, c'est toujours populaire. Le 6 février, en 1959, Jack Kelby de chez Texas Instruments a appliqué pour un brevet pour des circuits électroniques miniaturisés. C'est le premier brevet de ce qu'on appelle maintenant des circuits intégrés. Mm-hmm. Ensuite, le 7 février, en 1817, la première lumière de coin de rue qui fonctionnait au gaz aux États-Unis a été allumée à Baltimore, dans le Maryland, au coin de Market et Lemon Street. En 1915, le premier test de téléphone sans fil à partir d'un train en mouvement a été conduit dans le Delaware, sur le train Delaware-Lackawanna Western Railroad. Des messages parlés ont clairement été entendus à 26 000 de distance entre de Lounsbury à Binghamton, New York. Mm-hmm. Ensuite, le 8 février, en 1971, 10 ans après l'automatisation suggérée par le SEC pour résoudre des problèmes de fragmentation dans les indices boursiers, la National Association of Securities Dealers Automated Quotations, ce qu'on appelle maintenant le Nasdaq, a commencé à faire des échanges boursiers. C'est devenu le premier marché boursier électronique au monde. En 1996, le Congrès américain a passé le Communications Decency Act dans son Telecommunications Act de 1996. En partie, on essayait de tenir ou de garder les opérateurs de sites web responsables si les gens de moins de 18 ans voyaient de la pornographie sur Internet. Cette provision-là, a plus tard été retirée par la Cour suprême, mais la section 230 rend quand même les choses plus sécuritaires pour les fournisseurs d'accès à Internet. En 1996, John Perry Barlow a posté sa déclaration de l'indépendance du cyberespace, A Declaration of the Independence of Cyberspace, écrit à Davos, en Suisse. Il prévoyait une civilisation de l'esprit dans le cyberespace, que ce soit plus humain et juste que le monde et nos gouvernements ont fabriqué avant. Ensuite, le 9 février, en 1870... Donc, le président américain Ulysses S. Grant a signé un projet de loi autorisant le secrétaire de la guerre de prendre des observations à des stations militaires et d'avertir s'il y avait des tempêtes. Donc, cette agence-là, qui opérait le Signal Service à l'époque, éventuellement est devenue le National Weather Service, le système de météo aux États-Unis. Donc, ça a commencé en 1870. En 1969, le Boeing 747 Jumbo Jet s'est envolé pour la première fois. C'était la première avion, le premier avion, je m'excuse, Colin. Le premier avion, clairement, avec le corps très large. Donc, c'est en 1969. Ensuite, le 10 février, allons-y avec des scientifiques en 1958 au Lincoln Laboratory du MIT qui ont fait rebondir des signaux radars sur la planète Vénus. C'était la première fois qu'on mesurait la distance entre des planètes. En 1996, le grand maître international des échecs, Garry Kasparov, a débuté une partie de 6 matchs. Non, un match de 6 parties. Bref. Contre Deep Blue de IBM. Deep Blue qui a gagné la première partie. C'était la première fois qu'un champion du monde se faisait battre par un ordinateur dans des conditions de tournoi régulières. En 2004, en parlant de leur futur jeu Game Neverending, Ludicorp a révélé un projet, un side project, un à côté nommé Flickr au O'Reilly Emerging Tech Conference à San Diego. C'était un service qui fusionnait les chats avec du partage de photos en temps réel. Et Flickr qui existe encore aujourd'hui, qui a été racheté par Yahoo. Ensuite, allons-y avec le 11 février. Je veux pas, ça avance quand même bien. En 2004. On va éviter complètement les années 1900 quelque chose. Ça parle d'espace, vous savez que je saute par-dessus ça. En 2004, Ben Hammersley a écrit une colonne pour le Guardian nommée Audible Revolution, décrivant un boom dans la radio amateur sur Internet. Il a proposé trois termes pour cette nouvelle vague d'émissions. L'audio blogging, le guerrilla media et le podcasting. C'était la première fois qu'on utilisait le mot podcasting, ce qui a mené à podcast, ce qui a mené à balado-diffusion en français, même si ça veut pas dire grand-chose. En fait, le pod voulait à la base dire iPod, donc lecteur Apple, alors qu'en français, on a choisi balado-diffusion comme dans toute balade, tout en diffusant des affaires dans tes oreilles, j'imagine. Le 12 février, 1877, Alexander Graham Bell a fait la démonstration du téléphone pour la première fois en public au Salem Lyceum Hall. La démonstration a finalement envoyé les premières nouvelles. Voilà, la première fois. Ouais, on va commencer ça. On a envoyé des nouvelles au Boston Globe lors de cette démonstration. Hein? En 1973, sur l'autoroute 71, Interstate 71 en Ohio, les premières pancartes de distance sur les routes du format métrique ont été érigées aux États-Unis. Ils informaient de la distance entre Columbus et Cleveland, ainsi que Columbus et Cincinnati. Ensuite, allons-y avec le 13 février, le brevet français numéro 245032 en 1895, qu'on a passé ce brevet-là, pour un appareil servant à l'obtention et à la vision des épreuves chronophotographiques, donc le cinématographe qui combinait la caméra en mouvement et un projecteur. En 1946, l'ENIAC, le Electronic Numerical Integrator and Calculator, le premier ordinateur complètement électronique et pratique, a été dévoilé à la University of Pennsylvania's Moore School of Electronics, donc l'école d'électronique en Pennsylvanie. C'est le New York Times qui a diffusé ça le lendemain. Et en 2001, Microsoft a montré pour la première fois leur nouvelle version de Windows, nommée Windows XP, précédemment nom de code Whistler, c'était le 13 février. 14 février, en 1924, la Computing Tabulating Recording Company s'est fusionnée avec une subsidiaire, ils ont pris le nom de cette compagnie-là, International Business Machines Corporation, oui, plus tard on l'a renommé IBM pour faire plus simple. En 2005, le nom de domaine YouTube.com a été enregistré. Éventuellement, ça allait devenir la place dominante où les gens partagent des vidéos en ligne, mais oui, il y a déjà eu une époque où il n'y avait pas YouTube. Non. En 2011, Watson de IBM, un système d'ordinateur, a compétitionné contre le champion de Jeopardy Ken Jennings ainsi que Brad Rutter. Watson a tout nettoyé la place, gagnant $77,147 contre Monsieur Jennings qui avait $24,000 et Monsieur Rutter qui en avait $21,600. Ensuite, le 15 février 1897, Ferdinand Brown a publié un papier dans le journal Annalen der Physik und Chemie décrivant le Brown Tube. C'était le premier oscilloscope à rayon cathode, ce qui a mené plus tard vers les premiers écrans d'ordinateur CRT. C'est les gros bombés. Et on a parlé du ENIAC tantôt. En 1946, quelques jours après sa première démonstration en public, le premier ordinateur numérique pratique, l'ENIAC, a formellement été dédié. Et en 1995, le FBI a arrêté Kevin Mitnick en l'accusant de fraude de lignes téléphoniques. Il est entré dans des systèmes d'ordinateurs de plusieurs corporations majeures. Pour le bien selon certains, pour le mal selon d'autres. Donc c'était Kevin Mitnick, allez voir sa page Wikipédia, c'est assez bien informé tout ça. Le 16 février, en 1880, 30 ingénieurs de différents états, en fait de 8 états, se sont rencontrés dans les bureaux éditoriaux de New York, les bureaux éditoriaux new-yorkais du American Machinist, pour fonder l'American Society of Mechanical Engineers, donc la société américaine pour les ingénieurs mécaniques. En mécanique. Les ingénieurs eux-mêmes ne sont pas mécaniques, ils sont humains. En 1968, le premier appel 911 a été placé par le Speaker of the House de l'Alabama, Rankin Fight, de Haleyville City Hall, donc la mairie de Haleyville, au U.S. Representative Tom Beville, à la station de police de la ville. Donc c'était le premier appel 911 en 1968. Et en 1978, après un mois de janvier difficile qui leur a donné tout plein de temps pour programmer, Ward Christensen et Randy Sue sont complétés le Computerized Bulletin Board System, le CBBS à Chicago. C'est le premier BBS, donc c'est l'ancêtre des forums, si on veut, sur Internet. Le 17 février, en 1996, on parle encore d'échecs. Le champion des échecs mondiaux, Garry Kasparov, a réussi à battre Deep Blue dans la sixième partie, gagnant le match 4-2, mais il a perdu le match suivant. En 2000, Microsoft sortait Windows 2000, le successeur de Windows NT 4.0 et la dernière sortie de Windows avec le nom Windows NT, c'était en 2000. Le 18 février, en 1838, une petite ville... Là, c'est toutes des affaires d'espace, on saute au 19. 19 février, tire un brevet. En 1856, le professeur Hamilton L. Smith de Gambier en Ohio a reçu le premier brevet britannique pour un processus qu'on appelle Tintype Photographic Picture Process. Ça décrivait une méthode pour obtenir une impression positive sur une surface précédemment préparée avec du fer ou une autre feuille métallique ou minérale par un processus de collodion, une solution de sel et d'argent. Donc une façon de... c'est ça, photographique, donc c'est pour prendre des photos. En 1878, Thomas Edison recevait un brevet américain, le numéro 200-521, pour le phonographe. Son premier enregistrement, c'était Mary Had a Little Lamb, qu'il avait chantonné dans un grand cylindre, une espèce de une grande corne, si on veut, qui transmettait des vibrations à une aiguille qui gravait ça sur un cylindre qu'on faisait tourner à la main. En 1990, John et Thomas Knoll ont lancé un petit ensemble de logiciels pour manipuler les images. C'était supposé venir avec les scanners, donc ça s'appelle Photoshop. C'était racheté par Adobe plus tard. Et en 2014, Facebook annonçait qu'ils avaient acheté la compagnie WhatsApp, l'application de messagerie WhatsApp, pour 19 milliards de dollars. Le 20 février, en 1900 juste, tiens, John F. Pickering de Haïti a reçu un brevet américain pour son design d'un véhicule, un avion, finalement. En 2004, le premier iPod mini d'Apple est arrivé dans les magasins Apple et en ligne. C'était la première variation de grandeur pour le iPod. En 2013, Sony annonçait la PlayStation 4 sans donner son prix ou même montrer de quoi le matériel aurait l'air. Donc ça, c'était en 2013, qu'on savait pas trop, mais on savait que ça s'en venait. Hein. Le 21 février, ensuite, en 1937, Waldo Waterman a fait voler le premier vol test de l'Aerobile et a appris finalement que c'était facile à faire voler et à virtuellement faire tourner. Donc c'est considéré comme la première voiture volante. C'est en 1937. En 1947, Edwin H. Land a fait la démonstration de sa caméra instantanée à une seule étape et à son film qui l'accompagnait, à une rencontre de l'Optical Society of America. C'était la première caméra Polaroid qui a été vendue 2 ans plus tard, donc c'était en 1947. En 1986, The Legend of Zelda, le premier d'une longue série, est sorti au Japon pour la Nintendo Famicom, ce qu'on appelle ici la Nintendo Entertainment System. Ensuite, le 22 février 2016, en 1895, oui, l'homme de bourse de Chicago, Steve Fawcett, a réussi à compléter le premier vol en montgolfière au-dessus de l'océan Pacifique. À 9600 km, c'était aussi le plus long voyage en ballon dirigeable, en ballon montgolfière. En 1995, le président américain Bill Clinton signait un executive order, je me rappelle pas comment on appelle ça en français, mais en tout cas, une loi exécutive, là, bref, un envoyé fait là, dirigeant vers la déclassification des images acquises par les satellites de reconnaissance photographique Corona, Argon et Lanyard aux États-Unis, ont plus de 860 000 images de la surface de la Terre ramassées entre 1960 et 1972 sont devenues publiques à partir de là. Le 23 février, en 1893, le Imperial Patent Office de l'Allemagne a accepté le brevet de Rudolf Diesel, le brevet numéro 67207, pour un A New Efficient Thermal Engine, qu'on appelle le moteur diesel maintenant. Hein? En 1927, le président américain Calvin Coolidge a signé la loi publique numéro 632, établissant la Federal Radio Commission, qui a plus tard été remplacée par la Federal Communications Commission, un peu l'équivalent du CRTC, c'est le FCC aux États-Unis. Ensuite, allons-y avec la date du 24 février. En 2014, Samsung annonçait le Samsung Galaxy S5 avec son sensor du battement de cœur et le téléphone qui était à l'épreuve de l'eau et de la poussière. J'essaie d'y aller rapidement pour finir le mois, le 25 février. 1837, le Bureau des brevets américains a approuvé l'application de Thomas Davenport pour un brevet pour améliorer la machinerie par magnétisme et l'électromagnétisme. C'est devenu le moteur électrique plus tard. Plus simple comme ça quand même. En 1928, Charles Jenkins Laboratories de Washington, D.C. est devenu la première compagnie à avoir un permis de télévision, une licence de la susmentionnée Federal Radio Commission dont j'ai parlé il y a quelques instants. En 1930, un brevet américain pour un appareil de photographie a été accepté ou donné à George Lewis McCarthy qui l'appelait le Checkographe. C'était le premier appareil pour photographier des chèques de banque. 26 février 1896, espérant tester la capacité du soleil à créer des rayons X, Henri Becquerel a placé une plaque photographique enveloppée dans un tiroir de son bureau avec des roches d'uranium phosphorescentes par-dessus. Il a laissé ça dans le tiroir pendant plusieurs jours jusqu'à ce que le soleil sorte. Il y avait des nuages partout, mais quand même, ça finit, j'imagine, par fonctionner. En 1909, le premier processus d'image qui bouge, motion picture process, mais en couleur, le cinéma color, a été montré au public au Palace Theatre de Londres. En 1935, le physicien écossais Robert Watson Watt, oui monsieur, Watson Watt, tu sais quand il est tellement cool qu'ils l'ont nommé deux fois avec Watt, a fait la démonstration du Radio Detection and Ranging aux officiers de l'Air Ministry à Daventry en Angleterre. Ça s'appelle le radar, finalement. Radio Detection and Ranging. Le radar, qui était quand même utile, hein, il me semble. Et en 2015, le FCC, le susmentionné Federal Communications Commission des États-Unis, a voté 3 contre 2 pour implanter les nouvelles règles de l'Internet ouvert et libre. Et donc, c'était le nouvel acte de... le nouvel acte de télécommunication. Dans le Communications Act of 1934, donc ils l'ont mis à jour à ce moment-là. Le 27 février, le Sénat américain, en 1986, a voté pour permettre au débat d'être diffusé à la télé. C'était une base temporaire, donc on a essayé de faire le test. Ça a commencé en 1986. Je pense que le test est un succès, parce qu'il y a un débat par semaine de ces temps-ci, puis c'est tellement long. Mais je peux pas m'empêcher de les écouter. 28 février, en 1947, la première diffusion à circuit fermé d'une opération chirurgicale montrait les procédures à des observateurs dans des classes à Johns Hopkins University. Donc c'était en 1947. En 1954, le Westinghouse H840CK15 a été mis en vente à New York. On dit que c'est la première, le premier récepteur de télévision qui utilisait les couleurs, donc NTSC, qui était offert au public. Seulement 30 télévisions ont été vendues à $1,295 chaque. Et on se dépêche, il nous reste le 29 février. Qu'est-ce qui s'est passé le 29? En 1940, Ernest O. Lawrence a livré un discours au prix Nobel de 1939 à un banquet à Berkeley, en Californie, à la place d'y aller en Suède pour pouvoir amasser de l'argent pour sa recherche pour le cyclotron, ce qui lui a donné le prix à la base. Donc, évidemment, ça, il a reçu le prix, fait qu'il s'est dit « Bon, on va faire ça comme ça ». En 1996, Microprose sortait Civilization 2, la suite de Sid Meier's Civilization, et la version qui allait lancer la franchise à sa popularité la plus inestimable. Et en 2012, on a commencé à prendre des commandes pour le petit ordinateur Raspberry Pi, qui est vraiment pas cher, là, que vous pouvez vous procurer pour des peanuts. C'est en 2012, le 29 février. Yes! On a terminé le mois de février au complet, que je suis donc content. Voilà, c'est tout pour le Mathieu Plante Show pour aujourd'hui. Quand même, j'ai même pas préparé ma chanson de fin, tellement on est rapide sur la fin de l'émission. Regardez-moi ça! Hein? Ni vu ni connu! Merci d'avoir été à l'écoute pour une autre édition du Mathieu Plante Show. On se retrouve la semaine prochaine en direct les mercredis de 15h à 17h, en appel les jeudis à 13h. Je vous retrouve aussi à Assemblage Requis du lundi au jeudi entre 6h30 et 9h30 et au Palmarès C'est Fou les mardis de 15h à 18h. Audiomatique suit pour les auditeurs du mercredi. Consultez la programmation sur cifou.ca, les notes de l'émission et les balados sur assemblagerequis.com. De la part de toute l'équipe fictive, c'était Mathieu Plante, vous avez été planté, bye bye!